NGT, Lifty Kimboka. Tous les membres de ma boko, alors ils ont été l'âme de mon corps. Zahin à mon enfant. Allez, tous les membres, t'as pas de mal. Gentil Mingo Dila. Ils ont été l'âme de mon corps. Honorable Obin Minaku. Come con le lale la Jesus. Nanga Bikila Slim Dio Elia Lomorinho Mamadou Mbongo St. James Carols Mahamoud Boutique Gigo Oh Kilo Samuel Eto, Olivier Lanalouane, Didier Drogba.